Mes chers petits pots pomme-poire pour bébé, aujourd'hui, notre voyage à travers la jungle des campagnes se poursuit avec bonheur. Voici deux jours que nous découvrons en votre compagnie le monde agricole de la région d'Écroulée des Deux Églises. Les deux dernières émissions nous ont permis de rencontrer un animal fort attachant, la vache. À présent, en compagnie de Monsieur Bardamu, notre guide, entre guillemets, nous partons à la rencontre d'un fromage. Et pas n'importe quel type de fromage, puisqu'il s'agit du fromage de chèvre. Monsieur Bardamu, bonjour. Nous allons tout de suite nous rendre sur les lieux de fabrication. Mais j'aimerais tout d'abord vous poser quelques questions en ce qui concerne l'aéronautique des fromages de chèvre. Ouais, bon ben allez-y, on va pas coucher. Alors, les récents progrès techniques ont permis d'améliorer considérablement les performances des fromages de chèvre. Et ils atteignent aujourd'hui des vitesses qui paraissaient impossibles à atteindre il y a à peine 20 ans. Ouais. Et quand je mentionne des progrès techniques, je pense bien évidemment, en premier lieu, au moteur à réaction. Mais c'est vrai, il faut le dire ça aux gens. J'ai été le premier dans la région à adapter des turboréacteurs à mes crotaines de Chavignol, voyez-vous. Oui, nous y reviendrons. Les progrès furent rapides et grisants. Au bout d'un certain temps, cependant, les fromages de chèvre, en quête de vitesse, sont heurtés à une barrière, une limite infranchissable, n'est-ce pas, que l'on nomme le mur du son. Putain, mais ouais. Et oui, les fromages qui s'approchaient de la vitesse du son étaient sujets à des vibrations intenses et qui provoquaient leur désintégration, c'est bien ça, dans l'atmosphère et malheureusement la mort du pilote. Il faut peut-être préciser pour vos auditeurs que les pilotes sont de petites souris blanches, un costume de majordome. Alors j'ai eu la douleur d'en perdre trois, toujours pour la même raison, elles vont être les premières à franchir le mur du son. Salope. C'était quand même une chouette époque, un temps de pionniers. Nos vies entières étaient tournées vers les fromages et leurs pilotes. Nous étions insouciants, nous étions heureux. Quand j'y repasse, ça me fout le coup de noir. Avec le temps... Avec le temps, ben, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça teigne de ses gueules. Je comprends, oui. Enfin, le passé, c'est le passé, putain. Et puis j'ai pas à me plaindre, j'ai eu mon heure de gloire et je suis encore là, il faut le dire ça aux gens. Alors qu'avec toutes ces souris qui sont mortes, ces pauvres souris, on pourrait tapisser un plafond de grange. Oui, vous avez fabriqué le fromage qui a réalisé le premier vol supersonique. Mais putain, mais ouais, en effet, il m'était venu l'idée qu'en laissant le fromage 2 mois de plus à la cave, il se formerait autour de lui une croûte suffisamment épaisse pour lui permettre de résister aux vibrations. Alors, cette année-là, le 3 juillet, par une belle après-midi ensoleillée, vous donnez le signal du départ à votre pilote d'essai, la souris moustache. Oh putain, moustache. Oui, j'étais à la fois très confiant et très tendu, vous voyez. Parce que c'est le genre de souris, putain, mais qu'il faut tenir, voyez-vous, qu'il faut tenir à bout portant. J'avais besoin de fumer une cigarette, mais je ne pouvais pas m'empêcher de la mâchouiller, d'en avaler des bouts. Alors, j'avais de très douloureuses crampes aux orteils. C'est compréhensible, oui. Oh putain, oh oui. Une chose dont je ne me souvenais pas et qu'on m'a raconté après coup, j'ai couru tout nu sur le terrain d'aviation. Ah oui, ça s'est passé à la télé. En brandissant un portrait de l'Ayatollah Khomeini. Et c'est alors que l'exploit s'est produit. Ouais, le fromage en phase d'accélération est rentré dans les nuages. On ne pouvait plus le voir. Et c'est alors que nous avons entendu cette explosion dans le ciel. Personne ne pouvait se douter à l'époque qu'il s'agissait du double bang d'un fromage supersonique, putain. Mais les instruments de mesure au sol nous ont confirmé que l'exploit était accompli, putain. Merci, monsieur Bardamu. Ouais, il faut le dire, ça, aux géants. Merci de nous avoir fait partager un des grands épisodes de l'aéronautique agricole. Le temps nous manque et nous ne pourrons pas visiter le hangar où vous fabriquez aujourd'hui des fromages de tourisme. Nous le visiterons demain. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Mais vous marchez sur la lavande, là. Mais vous êtes vraiment un gros cono. Mais c'est inouï, ça. Il faut le dire, ça, aux géants.